sommes pas seuls comme tu sembles le voir. Pas seul dans le noir. Nous ne sommes pas seuls si seulement tu pouvais mieux le voir. Nous ne sommes pas seuls quand sur lui je m'appuie. Pas seul sans amis. Nous ne sommes pas seuls quand nos vies viennent de lui. Nous ne sommes pas seuls comme tu sembles le voir. Pas seul dans le noir. Nous ne sommes pas seuls si seulement tu pouvais. Notre refuge et notre force, un secours dans les détresses, toujours facile à trouver. C'est pourquoi nous craignons point quand la terre est bouleversée et que les montagnes seraient jetées au cœur des mers. Quand les flots mugiraient, qu'elle écumerait et que les montagnes seraient ébranlées à cause de son emportement. Il y a un fleuve dans les ruisseaux régissant la cité de Dieu, le Saint demeure du Très-Haut. Nous ne sommes pas seuls comme tu sembles le voir, pas seul dans le noir. Nous ne sommes pas seuls si seulement tu pouvais mieux le voir. Sans amis, nous ne sommes pas seuls car nos vies viennent de lui. Que mes tombes. Chaussures.